On va continuer notre dars, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va lire maintenant, on continue le chapitre qu'on a commencé, « Babun ma ja'a fil khuruj an da'wa l'islam » Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de ce qui sort de l'appellation de l'islam. Et il a mentionné un verset, qui est le verset 78 dans Surat al-Hajj, et un hadith rapporté par l'imam Ahmad et al-Tirmidhi selon al-Harith al-Ash'ari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ordonne cinq choses. Hein? Cinq choses, et il a mentionné parmi ces cinq choses, as-sam'u, wa-ta'a, wa-l-jihad, wa-l-hijra, wa-l-jama'a. Ça c'est cinq choses. L'écoute, l'obéissance, le jihad, la hijra et la jama'a. Et il dit, celui qui contredit ou qui s'oppose à la jama'a, qui sort de la jama'a, d'une petite distance, hein, alors il a enlevé de son cou le collier qui le rattache à l'islam, jusqu'à ce qu'il revienne. Et quiconque invite par l'appellation ou par l'invitation de la jahiliya, hein, à l'appel de la jahiliya, alors il fera partie du combustible de l'enfer. Et les gens ont demandé au messager d'Allah, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il jeûne, en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il prie, même s'il jeûne, hein, donc appelez-vous par le nom, par l'appellation par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a appelé. Il vous a appelé muslimin, ibadallah. Donc c'est comme ça que vous vous appelez entre vous, par les noms que Allah vous a donnés, rapporté par par Ahmad et al-Tirmidhi. Maintenant, le chef, on l'a lu l'explication de la première partie, à propos de l'obéissance, hein, et de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants dans le bien, et le fait d'être unis autour de nos dirigeants. Maintenant, la deuxième aspect parmi les cinq points, c'est al-jihad. Al-jihad, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah, pour élever la parole d'Allah. Donc, on va lire qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. الثاني الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمات الله فالله جل وعلا أمر بالدعوة أولا دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام لأنه هو دين الله عز وجل وما عداه فهو باطل فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين ثم من استجاب وقبل الدعوة فالحمد لله ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهو المستحق للعبادة ولا دين إلا دين الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها فجميع المخلوقات منقادة لله إما طوعا باتباع الشر وطاعة الرسل وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان أي كرها أي ينقاد كرها لقدر الله وقضائه فإن قدر الله وقضائه يقعان على الكافر والمسلمين ويخضع العبد الكافر لله كرها لا طوعا. Le cheikh explique que le deuxième point qu'il mentionnait, ou le troisième plutôt, mais c'est dans l'explication, il a mis As-sam'u wa ta'a, il les a mis ensemble, donc ça fait un, hein, et le troisième, il l'a cité comme étant la deuxième, parce qu'il l'a mis à la suite des deux premiers. Et il dit c'est Al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier, pour élever la parole d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, dans le but d'élever la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc d'inviter les kuffars à l'islam en premier, faire la da'wah. Ça c'est la première chose. Avant le combat, avant le jihad, il y a la da'wah à l'islam. Donc on invite les kuffars et les mushrikines à l'islam parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est en dehors de la religion d'Allah c'est faux. C'est des fausses religions. Donc il faut absolument qu'on invite les gens à cette religion-là. Puis ensuite, celui qui répond à cette invitation-là, « Falhamdoulillah ». Et celui qui refuse, alors il faut le combattre et faire le djihad contre lui, et c'est-à-dire de faire le djihad, c'est-à-dire de lutter pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour enrayer le shirk de la terre. D'accord? Et dernièrement, je pense que c'est pas le vendredi passé qui vient de passer, pas hier, vendredi la semaine passée, il y a un frère qui est allé prier à l'Université de Montréal, puis il a entendu une khutbah de l'autre, le docteur Shouraibi, encore une fois, Allah Musta'an, ce gars-là, il participe, comme vous savez, à toutes ces réunions pour les rapprochements et les dialogue entre les religions, les rencontres interreligieuses, etc., avec les juifs et les chrétiens. Vendredi, pas ce vendredi, le vendredi passé, il a fait sa khutbah à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa khutbah? Il a dit, on n'a plus besoin de faire de la da'wah. Hein, il a appelé ça le prosélytisme. Donc, au lieu de dire da'wah, il dit prosélytisme. Déjà, prosélytisme, chez les kuffars, c'est un terme péjoratif. Hein. C'est considéré comme quelque chose de péjoratif. Donc au lieu d'utiliser le terme islamique de la da'wa, il utilise le terme des kuffars, de prosélytisme. Quelqu'un qui invite à sa religion. En français. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'a pas besoin de faire le prosélytisme, on est déjà 1 milliard sur la terre, on a assez de musulmans. Donc, on n'a plus besoin de faire la da'wa. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Issa? Hein? Non, il a dit, il y a assez de musulmans, ça c'est, on n'a pas besoin de faire da'wah. Hein? A'oudhu billah, est-ce que c'est lui qui distribue la grâce d'Allah? Hein? Mais ça y est, il y a assez de musulmans, maintenant on ferme la porte, ça y est. A'oudhu billah, ibn al-shaytan al-rajim. N'importe qui parle bien, même des gens qui parlent pas bien, ils les prennent comme imam, parce que le gars il parle pas bien de toute façon. Donc de dire ça c'est grave, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, hein, oh ça y est on a assez de musulmans maintenant, on arrête, on fait plus de da'wah, non, a'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a ordonné d'inviter au sentier d'Allah. Il n'a pas dit quand vous arrivez à 1 milliard, arrêtez la da'wah, ça y est, c'est suffisant. Hein? Il y a assez de musulmans, on est à 1 milliard, là, ça y est, ça suffit, on n'a plus besoin de faire de da'wah et d'inviter des gens à se convertir. Personne qui a dit quelque chose, mon frère. Il y a des histoires que j'ai entendues, des khutab, des gens qui ont dit des choses tellement absurdes, même des fois des paroles de kufr. Jamais j'ai entendu que quelqu'un s'est objecté ou a dit quoi que ce soit devant ces gens-là lorsqu'ils disaient leurs paroles d'égarement. Ça, c'est pour montrer à ces gens-là qu'ils n'ont rien compris de l'islam, hein, et que ces individus-là qui prétendent appeler à un dialogue ou à un rapprochement, ils ont complètement opposé les principes et les règles de la charia d'Allah et de l'islam, qui ordonnent aux musulmans d'inviter les kuffars à l'islam et non pas seulement de s'asseoir avec eux pour leur dire oui, vous êtes correct, vous êtes des chrétiens, nous on est des musulmans, on a des choses en commun entre nous, puis ça suffit. Allez, de dire des choses comme ça, ça s'éloigne complètement du message de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il pense faire un bien comme ça, et il pense, ah oui, parce qu'il pense qu'en faisant ça, ça va rapprocher les chrétiens, mais bien entendu, tout ça c'est de l'hypocrisie qu'ils se font les uns envers les autres. Ces groupes de chrétiens-là sont hypocrites envers les musulmans, ces musulmans-là sont hypocrites envers les chrétiens, et les juifs sont hypocrites envers les deux, ainsi de suite. Ça c'est des bêtises, hein, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Première étape, c'est la da'wa. Et ensuite, c'est le combat, comme le chef l'explique. Mais, bien entendu, ça c'est quand il y a le dirigeant musulman qui a la capacité, qui est capable. Mais le chef, il va le dire. Hein. Donc, il mentionne le verset. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدِّينُ بَعْضُهُ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ. Hein? Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'on doit donc établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et il mentionne le verset 39 dans Surah Al-Anfal dans lequel Allah dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna ». Et les ulama ont expliqué que le mot « fitna » ici signifie le shirk. Donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Hein? Il n'y a rien qui soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toute la religion entière soit uniquement à Allah, hein, que les gens vouent leur culte uniquement à Allah seul. Donc, le cheikh dit, il faut pas qu'il y ait une partie de la religion qui soit pour Allah et une autre partie à autre que Allah. Non, il faut que la religion tout entière soit uniquement à Allah seul. Hein. Et donc, le cheikh il dit, pourquoi? Parce que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la subsistance. C'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui qui contrôle tout ce qui est dans l'univers, et donc c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Et il n'y a pas de religion excepté la religion d'Allah. Et il mentionne le verset 73 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce qu'ils recherchent une religion autre que la religion d'Allah, alors que c'est à lui que se sont soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, volontairement ou involontairement, hein, et il y en a bon gré, mal gré. Donc, toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, soit volontairement, de son plein gré, comme les musulmans, comme les gens qui suivent la charia d'Allah, comme ceux qui obéissent aux messagers, eux, ils sont soumis à Allah volontairement. Et ceux-là sont les musulmans à toutes les époques et dans tous les lieux, ou bien ils sont soumis à Allah involontairement, contre leur gré, dans le sens que ils sont soumis à l'ordre, à la prédestination d'Allah et à son décret. Ils sont soumis à l'ordre et au décret d'Allah et à sa prédestination et à son commandement. Donc, même le kafir, il est soumis à Allah, mais il est soumis contre son gré. Il est soumis à toutes les lois d'Allah dans sa création. Soumis dans les lois biologiques, dans les lois physiques, dans les lois que Allah a créées pour régner, pour diriger ce monde. Il ne peut pas sortir de ça. Il ne peut pas sortir des règles que Allah a établies. Et des lois, et de qu'est-ce qu'il a prédestiné et ordonné dans sa création. Ensuite, le cheikh il dit, فَالدِّينُ هُوَ دِينُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَا دِينَ سِوَاهُ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لبيانها وأمر العباد بها. Donc le cheikh il dit que la religion, cette religion, c'est la religion d'Allah et il n'y a pas d'autre religion que cette religion, c'est-à-dire l'islam. Et Allah ne va accepter au jour de la résurrection, il ne va accepter aucune autre religion de quiconque. Donc du moment que c'est comme ça, alors personne, hein, du moment que les choses c'est comme ça, du moment que Allah va accepter des hommes que l'islam, il ne va pas accepter autre chose que l'islam de la part des hommes, à partir de ce moment-là, il faut que la seule religion qui reste soit la religion d'Allah, la religion de l'islam. Et donc, il faut qu'il y ait le djihad pour unifier, pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce que l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est la raison pour laquelle Allah a créé la création. Allah a créé tout ce qui est dans la création pour qu'il soit adoré lui seul. Et c'est pour cette raison-là qu'il a fait venir les messagers pour clarifier aux hommes l'unicité d'Allah, le tawhid dans l'adoration. Et c'est à cette catégorie de tawhid qu'il a invité et qu'il a commandé tous les hommes de respecter. Donc ça c'est très important. Et ensuite le cheikh il dit « Al-jihadu fi sabilillah huwa al-qital »« Ay qitalu al-mushrikin »« Iza abaw an yaqbalu al-islam » Le cheikh il dit que le jihad fi sabilillah c'est le combat. C'est-à-dire de combattre les mushrikin s'il refuse d'accepter l'islam. Et le djihad, donc le cheikh il dit donc, c'est le combat. Bien entendu, si ce sont des juifs ou des chrétiens, ils auront une autre possibilité ou un autre choix. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, ils ont le choix entre le fait d'accepter l'islam ou de payer la djihad. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 29, dans surat Tawbah, que soit ils acceptent l'islam, et s'ils refusent d'accepter l'islam, ils doivent payer une somme d'argent. Et s'ils payent cette somme d'argent, ou cette jizya, comme on l'appelle, qui est une taxe, alors à partir de ce moment-là, ils pourront demeurer sur leur religion qui est fausse, le christianisme, le judaïsme, mais selon certaines règles et certaines conditions qu'ils vont devoir respecter. D'accord? Donc ça c'est pour les juifs et les chrétiens qui vivent dans les territoires qui sont dirigés par l'islam et par la charia. Ceux qui ne veulent pas se convertir, ils ont la possibilité de payer la jizya et c'est une punition pour eux. Non, c'est dans leur territoire, mais du moment que quand on arrive pour faire le combat dans leur pays, là on leur donne le choix d'accepter l'islam ou non. S'ils acceptent l'islam, alhamdulillah, il n'y a pas de combat. Ils rentrent dans la religion d'Allah. S'ils refusent l'islam, alors là on leur dit, maintenant, vous avez le choix. Soit vous payez la jizya, ou bien soit on va vous combattre. S'ils acceptent de payer la jizya, il n'y a pas de combat. Et là, on va prendre le pays, et puis on établit la loi d'Allah dans ce pays. Sinon, yani, s'ils refusent de payer la jizya, on combat par la suite, puis là on établit la religion d'Allah. Et ils n'auront pas bien entendu, à ce moment-là, s'ils ont refusé de payer la jizya, là ils ne pourront pas avoir la possibilité de pratiquer leur religion comme ils l'auraient s'ils avaient payé la jizya. Il y a beaucoup de chrétiens, de juifs comme ça, ils disent « Ah, les musulmans dans leur livre c'est écrit telle ou telle chose ». Ils n'ont jamais lu le Coran, hein. Donc ils disent n'importe quoi. Donc le cheikh il dit ensuite فالجهاد فرض. أو يمنشن الفرسي يدي أي donc الجهاد في سبيل الله هو القتال أي قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. والجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد فرض ولكن على حسب الاستطاعة. فإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة على تكوين الجيوش وغزو الكفار فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد، فوجوده فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. فالجهاد فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يصبح عندهم قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يأمر بالجهاد، ولم يؤمر بالجهاد، لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على الجهاد. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد، لأنهم صاروا يقدرون عليه. وهذه هي المسألة الثانية. للشيخ الزي comme je disais que le djihad c'est le combat, c'est-à-dire combattre les mushrikines qui refusent d'accepter l'islam. Et le djihad c'est une obligation pour les musulmans, selon leur capacité. Selon leur capacité, il mentionne le verset 216 dans Surat al-Baqarah, dans lequel il dit le combat vous a été prescrit alors que c'est quelque chose qui vous déplaît. Et il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Le verset 216 dans Al-Baqarah. Donc le djihad c'est une obligation pour les musulmans selon la capacité. Si les musulmans sont forts, qu'ils ont la capacité d'établir des armées et de combattre les kuffars, alors dans ce cas-là ça devient une obligation pour eux de le faire. Il faut... voilà Bouddha, et dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de le faire, et c'est obligatoire qu'il y ait dans ce cas-là des, yani un djihad. Fawjuduhu fardu kifaya. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire, et on appelle ça une sorte d'obligation qui est kifai, dans le sens que s'il y a un groupe suffisant, une proportion suffisante de musulmans qui l'ont accompli, qui l'ont fait, alors le péché est enlevé du reste, et ça reste recommandé pour le reste des musulmans dans ce cas-là de le faire, parce qu'il y a un nombre minimum suffisant qu'ils le font, et ceux qui veulent le faire par la suite, c'est seulement recommandé pour eux, et ça va être parmi les meilleures formes d'adoration pour ceux-là. Mais si il n'y a pas un nombre suffisant de musulmans qui le font, alors dans ce cas-là, tous les musulmans sont dans le péché. Et le djihad, c'est une obligation qu'on a dit, kifai, fardu kifaya, et il faut absolument donc le faire quand on a la capacité. Si les musulmans n'ont pas la capacité, alors ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils aient la force de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, et il se limitait uniquement à la da'wa, à inviter les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas été commandé de combattre, de faire le djihad à ce moment-là, parce qu'il était faible. Les musulmans n'avaient pas la capacité. Les musulmans n'avaient pas de force à ce moment-là. Mais lorsqu'il a fait la hijra vers Médine, et qu'il a eu beaucoup de de supporters et des alliés et des gens qui l'aident, alors à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le djihad, hein, parce qu'ils étaient capables par la suite. Et donc, ça c'est le deuxième point qui est mentionné parmi les points que le cheikh a mentionné. Toutefois, juste pour faire certaines clarifications, pour expliquer quelques points, il est important de faire savoir que le djihad dans l'islam, il est uniquement accompli avec le dirigeant des musulmans, hein, celui qui est le chef de l'État. Et c'est lui qui organise l'armée et qui arme les combattants et qui gère les combats, ainsi de suite. Et c'est lui qui prend les décisions qui ont rapport avec ça. Et c'est pas permis pour des individus de s'organiser eux-mêmes et de dire qu'ils vont faire le djihad sans l'autorisation du dirigeant, ou bien de former des groupes, hein, des petits groupes et des organisations pour dire « nous on va faire le djihad nous-mêmes ». Parce que ça c'est la responsabilité du chef de l'État dans l'islam, et personne n'a le droit de lui enlever cette responsabilité-là. Et il y a des groupes aujourd'hui, parmi les groupes des Khawarij, qui ont ces tendances-là, qui veulent faire ce genre de choses-là et qui font des actes de terrorisme à cause de ça par la suite. Et même il y en a, Allah Musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les trafics de drogue pour pouvoir financer leurs armes, hein, pour acheter des armes et tout. Ils font des trafics de drogue et puis après ça, ils achètent des armes au noir et tout. Donc tout ça, c'est basé sur l'ignorance et l'égarement, et que ça amène à des choses qui font du tort à l'islam et aux musulmans par la suite. Les conséquences sont très mauvaises. Et souvent, ils se retournent même contre les musulmans en premier. Donc, c'est des gens très dangereux et c'est des groupes d'égarement qu'il faut à tout prix stopper et dénoncer. Al-Kufr al-Bawah, c'est un kufr au sujet duquel il n'y a pas d'ambiguïté ou de doute, hein, qui est mentionné clairement et textuellement par une preuve claire venant d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Donc, quand quelqu'un parmi les dirigeants aura commis un kufr qui est clair, comme par exemple il nie l'existence d'Allah, ou par exemple il appelle ouvertement à des choses, par exemple, qui sont le rejet de la parole d'Allah ou le rejet de l'islam avec connaissance, des choses comme ça. Là, c'est des formes de kufr bawah, il y en a d'autres. Yani, les ulama, ils savent, eux, reconnaître le kufr bawah. Et c'est eux, en général, qui jugent dans ces situations-là, c'est eux qui clarifient si c'est un kufr bawah ou non. Et non seulement ça, c'est que même s'il y a un kufr bawah, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut automatiquement prendre les armes contre le dirigeant. Parce qu'il y a une autre condition qui est reliée à ça, comme les ulama l'ont expliqué, c'est que il ne faut pas que ça amène le sang des musulmans à couler. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça cause du sang que les musulmans vont faire couler le sang des innocents, et que ça va causer plus de désordre. Donc si le fait d'enlever ce dirigeant-là qui a fait un coup clair, ça va ramener plus de mal, alors dans ce cas-là, il ne faut pas le faire, même si il a commis un coup clair. Parce que ça fait partie des principes de la charia, qu'on n'a pas le droit de changer un mal par un mal plus grand. On n'a pas le droit de changer un mal par un mal plus grand. Et le cheikh il dit ensuite, الثالثة الهجرة، والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، ترك الشيء. قال تعالى والرجز فهجر، الرجز هو الأصنام، وهجرها تركها. هذا في اللغة. الشيخ يفسر que troisième point c'est la hijra, d'émigrer, et ça vient du mot hajr, c'est-à-dire de quitter quelque chose, de l'abandonner, de laisser quelque chose. Et il mentionne le verset 5 dans Surat al-Muddathir, وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ, c'est-à-dire, et الرج, c'est-à-dire les idoles, فَهْجُرْ, فَهْجُرْهَا, ou هَجْرُهَا, il dit c'est de l'abandonner, d'abandonner les idoles, de les laisser tomber. Et le chef dit, أما في الشرع, فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين, فالمسلم لا يبقى مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين, لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه فيتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر, فلا بد من الهجرة عند القدرة, والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم بقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, أي إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض لا تقدرون على إظهار دينكم فلماذا لم تنتقلوا إلى أرض تكونون أقوياء فيها. الشيخ explique que selon la sharia d'Allah, la hijra c'est de quitter un pays de kufr vers un pays de l'islam en s'enfuyant pour préserver notre religion. Et le cheikh il dit, donc le musulman il ne doit pas rester avec les kuffars dans un pays de kuffars alors qu'il est capable de quitter ce pays, de faire la hijra vers les pays musulmans. Parce que lorsqu'il reste avec les kuffars, il se fait influencer et il est affecté par eux. Et ou bien ils vont l'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils vont lui imposer le kufr. Il faut donc qu'il fasse la hijra lorsqu'il a la capacité. C'est comme il y a un cheikh, j'écoutais justement une parole du cheikh Ibrahim al-Ruhayli en fin de semaine, ou bien durant la semaine plutôt, et il expliquait justement que il y a beaucoup de musulmans qui peuvent s'imaginer que dans les pays de kufr, par exemple, ils ont la capacité de faire la prière, de faire le jeûne, et ainsi de suite. Puis ils se disent que ça c'est la liberté de la religion. Et le cheikh il dit que c'est pas ça le danger, et c'est pas ça que qui cause un problème pour les kuffars. En fait, il dit que tu peux pas préserver ta religion correctement parce que les lois des kuffars sont imposées sur toi. Et quand il y a un conflit qui implique la loi, c'est sûr qu'ils vont imposer leurs règlements et leurs lois. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit au niveau des héritages, que ce soit au niveau du divorce, que ce soit au niveau des pensions ou de toutes sortes d'autres domaines dans ces choses de ce genre. Depuis que la loi des kuffars est impliquée, ils vont avoir le pouvoir de t'imposer des choses et de te faire subir les lois qui sont contraires aux lois islamiques. Et même lorsque on meurt par exemple dans l'enterrement, il y a plein de règles qui sont contraires à l'islam là-dedans, hein. Et il y a comme les cercueils et des trucs comme ça, puis il y a beaucoup d'autres aspects aussi. Après ça, le cheikh il disait donc que également il y a le contrôle qu'ils ont aussi par rapport à tes enfants. Il dit c'est bien possible que toi tu restes, par exemple, tu es capable de rester accroché à ta religion, mais par la suite, tes enfants, eux, ils vont avoir une autre éducation et ils vont être influencés par le kufr. Et je pensais à ça quand il disait ça, justement, je me disais à moi-même que si tu envoies tes petits-enfants à l'école et que ces enfants-là, par exemple, tu leur enseignes le mieux que tu peux l'islam, que s'ils sortent par la suite avec des idées contraires à l'islam, et qu'ils réalisent, par exemple, que ils ont la liberté de rester dans l'égarement ou de choisir l'égarement et que personne va les guider ou les conseiller ou les garder et aller contre le mal qui peut leur arriver dans le coffre, eh bien, ils risquent de s'égarer encore plus et le shaitan risque de les faire tomber plus facilement. Donc ça, c'est des exemples. Mais bon, tout ça, c'est parce que ces gens-là, ils profitent du fait que les musulmans viennent ici et par la suite, ils égarent les enfants. Et comme disait le Cheikh Al-Utaybi à ce sujet-là, Cheikh Oussama Al-Utaybi, il disait, s'ils ne peuvent pas avoir toi, ils vont avoir tes enfants. S'ils ne peuvent pas avoir tes enfants, ils vont avoir tes petits-enfants. Donc, ils calculent à l'avance. Et donc, ça, c'est dangereux. Donc, le Cheikh, il dit qu'il faut absolument que tu fasses la hijra si tu as les capacités de le faire. Comme par exemple, si tu as la capacité de le faire, tu le fais maintenant, tu t'en vas, tu pars. Si tu n'as pas la capacité de le faire, bon, là, dans certains cas, bon, dans des cas comme ça, tu es excusé. Mais il faut savoir que Allah a menacé ceux qui n'ont pas fait la hijra alors qu'ils avaient la capacité de la faire, parce que et eux, ils aimaient leur bien, ils aimaient leur pays, leur ville, et à cause de ça, ils ont refusé de faire la hijra pour aller à Médine. Ils étaient restés à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 97 dans Surat An-Nisa pour menacer ceux-là, justement. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux dont les anges ont pris leurs armes alors qu'ils s'étaient fait du mal à eux-mêmes, ils ont dit, où en étiez-vous par rapport à votre religion? Hein? Est-ce que vous étiez parmi les mu'minines ou parmi les kuffars, ainsi de suite? Ils ont répondu pour essayer de s'excuser qu'ils faisaient partie des faibles et qu'ils n'étaient pas capables de quitter. Et Allah subhanahu wa ta'ala réfute leur argument et il dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire les anges, ils répondent, ils disent, n'est-ce pas que la terre était assez vaste, hein, la terre d'Allah était assez vaste pour que vous puissiez émigrer sur elle? C'est-à-dire, vous étiez faible sur la terre, vous n'aviez aucun moyen, aucune capacité. Donc si c'était réellement le cas, pourquoi vous n'avez pas quitté ce pays-là pour aller ailleurs où vous allez être, où vous seriez fort? Si vous prétendiez que vous étiez faible là où vous étiez et que vous ne pouviez pas montrer ouvertement votre religion, pourquoi vous n'avez pas quitté cette terre où vous étiez pour aller vers un endroit où vous seriez en force dans votre religion? Donc ça, c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée pour montrer leur mensonge et leur fausseté. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la suite de ce verset, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Ceux-là sont ceux qui auront l'enfer comme destination. Et quelle mauvaise destination! Donc c'est pour dire que ils ont menti, et ils auront l'enfer comme rétribution. Bien sûr, ça nous concerne. Si on a la capacité de le faire, puis on ne le fait pas, alors qu'on a la difficulté qu'on a, alors on n'a pas d'excuse. Surtout maintenant, on voit qu'est-ce qui se passe en Belgique, en France, et même ici, par rapport au niqab et tout. Donc là, ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Et ça, c'est le début. Donc, c'est pour dire que là, ils montrent leur vrai visage. Ils commencent à montrer. Il y a beaucoup de musulmans qui étaient naïfs par rapport aux kuffars, qui s'imaginaient que, oui, on est dans leur pays, et ils nous donnent la liberté, ils croient en droit de l'homme, et donc tout ce qui est écrit dans la charte, ils vont l'appliquer à la lettre, ils vont nous laisser faire tout ce qu'on veut. Maintenant, ils commencent à réaliser que c'est pas réellement comme ça. Ces chartes-là, ils les ont écrites, ils les ont faites, pas pour nous. Les chartes des droits de l'homme, ils n'ont pas écrit pour les musulmans, ils ont écrit les chartes des droits de l'homme pour eux entre eux. Nous, on n'était peut-être pas dans le programme quand ils l'ont écrit. Exactement. La liberté, c'est une valeur ou c'est une notion qui est très relative et lorsque ils l'utilisent, eux, ils ne veulent pas du tout dire la même chose que nous. Eux, libres, quand ils disent le mot libre, c'est libre de faire tout ce que notre loi vous permet de faire. Hein? Mais nous, quand on dit libre dans le sens de faire tout ce que Allah nous permet de faire. Hein? La vraie liberté, c'est d'être soumis à Allah. Hein? Parce qu'il y a combien d'hommes qui sont soi-disant libres de faire ce qu'ils veulent, en réalité, ce sont des esclaves du shaitan. Ce sont des esclaves de leur passion, des esclaves de leur désir, des esclaves de la société, des esclaves de leur travail, des esclaves de leur patron, des esclaves du système, des esclaves de la loi, des kuffars, hein, des esclaves du tarot, ainsi de suite. Yani, est-ce que vous avez vu, yani, est-ce que vous avez déjà vu un code de loi, hein? Combien d'entre les musulmans ou bien d'entre les kuffars même ont déjà ouvert ou tenu dans leurs mains le code des lois ici, soit le code pénal ou soit le code civil ou soit les autres codes qu'ils ont inventés. La plupart c'est seulement les élèves en droit, sinon le reste de la population ils n'ont jamais ouvert les livres de loi. Mais combien, quand tu ouvres ces livres là tu dis subhanallah, lequel est plus compliqué et lequel a plus d'interdictions, est-ce que c'est le Coran ou est-ce que c'est ces lois que ces hommes là ont écrites? Eux, ils critiquent la religion, ils disent « Ah, mais vous, dans votre religion, vous n'avez que des interdictions. » Ouvre le livre de, ouvre le code de loi, ouvre les livres de justice qu'ils ont écrits eux-mêmes avec leurs mains. Il y a beaucoup plus d'interdictions. Ça, c'est sans compter les règlements de chaque compagnie et chaque municipalité, ou même la STM, même les transports en commun, ils ont leurs propres lois. Dans le métro, quand tu rentres, il y a comme toutes les codes là que tu dois respecter. Exactement. Donc, c'est pour dire, il y a que des lois dans ce pays, il n'y a que des interdictions comme ça, hein, sans parler du code de la route ou les autres choses. Donc, c'est pour dire que c'est sûr qu'il y en a de ces lois-là qui ne sont pas contraires avec l'islam, il y en a beaucoup de ces lois-là qui sont en accord avec l'islam, mais quand même, pour dire que ces gens-là, des fois, ils rendent la vie beaucoup plus compliquée. Que quand on compare avec la loi que Allah nous a révélée, et également tu vois que par exemple ils s'imaginent être libres alors qu'en réalité ils ont plein de barrières qui les empêchent même de faire des choses vraiment banales. Et là maintenant on commence à voir que ils veulent pas laisser la liberté aux musulmans de pratiquer leur religion sous des prétextes d'égalité d'hommes-femmes et de valeurs, etc., démocratiques ou laïques ou autres. Ça, c'est la preuve qu'ils ont derrière la tête une idéologie qu'ils veulent nous inculquer et nous imposer, hein, et qu'ils sont en train d'appeler à cette idéologie-là. Et qu'ils sont en train de nous dire que si vous voulez vivre dans nos pays et si vous voulez être parmi nous, vous ne pouvez pas garder vos valeurs et votre croyance et votre religion. Il faut absolument que vous acceptiez notre système et nos valeurs, sinon on ne veut pas de vous. Et ça, c'est la réalité. Qu'ils ne disent jamais, parce qu'ils prétendent qu'il y a une liberté de croyance et d'opinion, alors que la réalité, c'est que ça, c'est une apparence seulement. Ils disent qu'il y a une liberté juste pour faire croire aux gens qu'ils ont une liberté, alors qu'on leur impose de suivre leur système indirectement. Hein? Exactement. C'est vrai. La plupart du temps, les koufars ne sont jamais d'accord entre eux, mais quand c'est pour être contre l'islam, ils sont tous d'accord. Hein? Donc, le cheikh, il dit, par la suite, il dit, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. بدلا من أن يكون مضيقا عليه في هذه البقعة فإنه يجد أرضا واسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما فإذا مات وهو في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة وهذا فضل عظيم. Donc le cheikh il dit, ensuite le verset, la suite c'est, le verset 98, « Excepté ceux qui sont faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui ne sont pas capables de partir et qui ne trouvent pas le chemin. Ceux-là, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, et certes Allah va leur pardonner, donc il dit « Asallah », c'est-à-dire Allah va certes leur pardonner, et Allah est pardonneur et indulgent et pardonneur. Ça c'est pour dire que la personne qui il dit pas je peux pas faire la hijra comme ça par exemple quelqu'un qui cherche des excuses et qui ment. Celui qui dit ah non mais je peux pas faire la hijra alors qu'il peut mais il aime la dunya, il aime le confort dans lequel il vit et il veut pas s'en aller. Celui-là, Allah n'acceptera pas son excuse. Mais celui qui est sincère et qui est faible, vraiment, il n'a pas de moyens pour s'en aller, Allah, il connaît son état et il va être excusé, il va être pardonné. Hein? C'est pas la même chose. Et il dit, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah, il va trouver sur la terre beaucoup de largesse et beaucoup de bien. Hein? Ça, c'est le verset 100. Dans Surat al-Nisa. Donc c'est pour dire que au lieu d'être à l'étroit et au lieu d'être dans la difficulté, il va trouver un endroit où il y aura beaucoup d'espace, il va être à l'aise, il va pouvoir adorer son Créateur comme il veut. Et dans le verset 100, et quiconque sort de sa maison en émigrant vers Allah et son messager, puis qui meurt par la suite en chemin, alors il aura quand même sa récompense auprès d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc celui qui meurt en chemin, il voulait faire la hijra, il voulait aller vivre parmi les musulmans, dans les pays musulmans, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et bien il meurt en chemin, il aura la récompense. Et ça c'est la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah va lui écrire la récompense de sa hijra pour son intention qu'il avait. Donc ça c'est très important. Et il dit le cheikh, والحاصل أن الهجرة لا بد منها وهي قرينة الجهاد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فالهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظيم. Donc le cheikh il dit que la hijra il faut absolument qu'on la fasse et il dit que c'est un c'est quelque chose qui est toujours associé au djihad dans le Coran. Et il mentionne, par exemple, le verset 72 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah a dit, et ceux qui ont cru, et qui ont fait la hijra, et qui ont lutté, qui ont fait le djihad, avec leurs biens et leurs personnes, dans le sentier d'Allah. Donc, la hijra, c'est le compagnon du djihad dans la révélation, et ça montre l'importance du djihad. Ça montre l'importance du djihad fi sabilillah. Et justement à ce sujet-là, puis au sujet du djihad aussi, il y a ces tendances de modernistes aujourd'hui qui essaient de nier la réalité. Quand ils parlent du djihad, ils disent « Non, le djihad c'est seulement en cas de défense. On n'a pas le droit d'attaquer les kuffars dans le djihad, c'est seulement en cas de défense. C'est seulement défensif. » Et ça c'est faux. Les Sahaba, ils ont débuté les combats contre certains peuples quand ils ont fait le djihad. Ils sont partis, et c'est ça qu'on appelle djihad au talab, ils sont partis et ils les ont invités à l'islam. Ils leur ont dit d'accepter l'islam, puis quand ils ont refusé, eh bien ils les ont combattus. Si c'était des gens du livre, ils leur demandent de payer la jizya, et s'ils refusent, là ils sont combattus. Mais de dire que c'était juste pour les défenses, comme ils disent djihad au difa, ça c'est un mensonge contre la charia d'Allah, c'est un mensonge contre le Coran et la Sunna. Et ensuite, pour le... Mais c'est pas l'excuse de la personne qui est dans un pays de kufr pour la hijra, par rapport à la hijra, c'est pas uniquement par rapport au converti qui vit dans un pays de kufr et qui est pas capable de faire la hijra. Si, ben, bon, dans les deux cas, que ce soit quelqu'un qui est né dans un pays musulman ou quelqu'un qui est né dans un pays non musulman et qui fait partie des habitants de ce pays-là, peu importe, les deux, s'ils ne sont pas capables réellement de faire la hijra, les deux seront excusés. Mais la différence entre celui qui est né dans un pays de kufr et qui s'est converti à l'islam et celui qui a quitté un pays musulman pour venir vivre dans un pays de kufr, lui, il n'avait pas le droit de quitter le pays musulman pour venir s'installer dans un pays de kufr. Donc c'est ça la différence. Lui, il a commis un péché en venant ici. Si en venant ici, il a réalisé que ce qu'il avait fait c'était un péché, qu'il veut retourner dans un pays musulman, mais qu'il n'est pas capable, lui, il est excusé. Mais si par contre, il est venu dans un pays de kufr et qu'il a les moyens de retourner et qu'il ne le fait pas, là, ça dépend, il y a deux cas. Soit qu'il est capable de retourner et qu'il ne le fait pas et qu'il n'a pas la capacité de pratiquer sa religion librement et ouvertement, là dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de quitter. Donc s'il ne le fait pas, il est dans le péché. Et s'il est dans un pays non musulman dans lequel il est, puis il a la capacité de pratiquer sa religion, il a la liberté, dans ce cas-là, les ulama disent que c'est recommandé pour lui de quitter le pays non musulman pour aller vivre chez les musulmans, mais c'est pas obligatoire. Hein. Toutefois, quand on regarde la réalité de la situation dans la société dans laquelle on est, dans une société non musulmane, on constate que les musulmans ont de très grandes difficultés à pratiquer leur religion ouvertement ici, et que c'est pas vrai qu'ils ont la liberté de la pratiquer comme ils veulent. Donc maintenant, ça reste une question de déterminer est-ce que la personne a la capacité de l'appliquer, sa religion, ouvertement et librement ou non. Dans une société, ça peut être le cas, tandis que dans une autre, ça peut ne pas l'être. Hein. Et là, on parle des sociétés des koufars ici, tandis qu'il y a aussi des sociétés de koufars autres, comme par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui s'en va vivre au Cambodge, ou bien, je sais pas moi, au Japon, ou en Inde, où il est entouré de mouchriquine. Tu sais, les gens, ils pensent que la hijra qui est interdite, c'est juste pour les pays occidentaux. Non. Quand on dit de quitter les terres des koufars et des mouchriquines pour aller vers les terres de l'islam, ça veut dire, peu importe où il y a du kufr et du shirk, et que là, tu peux pas appliquer et être librement dans ta religion, tu dois quitter cet endroit-là, vivre parmi les musulmans. Donc même si tu es en Hawaï ou je sais pas moi en Papouasie ou je sais pas où et que tu veux pratiquer ta religion parmi les mouchriquines et que tu as de la difficulté, que t'es pas à l'aise dans l'application de ton islam, dans ce cas-là, si tu as les capacités, tu quittes, hein, et ça dans ce cas-là c'est obligatoire, mais si t'es pas capable de pratiquer ta religion, mais t'es pas capable de partir, t'es incapable de le faire parce que t'as pas les moyens ou que tu sais pas comment partir, alors dans ce cas-là, là tu peux être excusé aussi. Hein. L'excuse c'est, ou l'exception, c'est quand quelqu'un, par exemple, il va quelque part où il peut pratiquer sa religion librement et qu'il est excusé parce qu'il fait quelque chose qui est permis, comme par exemple quelqu'un qui vit dans un pays de kufr et il fait la da'wah aux musulmans, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il a le droit, c'est quelque chose de bien. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si quelqu'un vient dans le pays de kufr et il profite de sa science ou de son temps pour appeler les koufars à l'islam, et puis il n'a besoin de rien de la part des koufars, il faut juste faire la da'wah, ça c'est bien. Et encore là, même les ulama ont dit, quelqu'un ne devrait pas non plus, même dans ce cas-là, s'installer complètement chez les koufars, il devrait rester là un certain temps, puis il retourne par la suite dans son pays musulman, et il retourne de temps en temps comme ça faire la da'wah, il ne reste pas définitivement chez les koufars à cause de l'effet que ça peut avoir sur son comportement ou sur sa personne et sur sa foi. Donc ça, c'est des choses que que les gens de Bid'a aujourd'hui cachent ou bien négligent. Ils n'en parlent presque pas. Si vous regardez par exemple certains du'at aujourd'hui parmi les du'at d'Ikhwan ou de d'autres, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent par exemple à l'intégration des musulmans dans les sociétés de Kufr. Ils les appellent à par exemple à dire qu'on est des citoyens de ces pays-là et qu'il faut se sentir comme étant des citoyens, ainsi de suite. Et jamais ils mentionnent les questions de hijra et de l'importance de la hijra et que c'est une ibada et que c'est une obligation si tu es capable et ainsi de suite. Donc le fait de ne pas mentionner ces choses-là, c'est quelque chose de malhonnête. Parce que les musulmans ont besoin de connaître ces règles-là. Il y a beaucoup de musulmans qui sont venus vivre dans des sociétés non musulmanes. S'ils avaient su avant de venir que ce n'était pas permis, ils ne seraient pas venus. Mais parce qu'on ne leur a pas donné le verdict avant, ils sont venus et par la suite ils ont regretté. Ils ont dit, mais je suis venu ici, j'ai ramené mes enfants avec moi, je les envoie à l'école avec le pouvoir. Et là, mes petits-enfants maintenant, quand ils deviennent l'âge de l'adolescence, ils commencent à se perdre, ils commencent à faire n'importe quoi. Bon, après le cheikh il dit, le point numéro 4, le point numéro 4 c'est al-jama'a. Donc le cheikh dit al-rabi'a al-jama'a, wa hiya an talzim jama'at al-muslimin wa la tashudda anhum. لأن الجماعة عصمة ولأن كونك مع الجماعة فيه قوة وعصمة لك أما كونك تنعزل فهذا فيه خطر عليك وعلى دينك فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ولا تشذ عنهم أما الذي يخرج عن جماعة المسلمين وعن الجماعة وعن السمع والطاعة فهذا قد خلع رقبة الإسلام من عنقه كما في الحديث وفي الحديث الآخر من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشذ عنهم وأن يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله أما أن يكون معهم ببدنه ولكن يخالفهم في رأيه يعني بأن يكون له رأي آخر فهذا لا يجوز. Le cheikh il dit que le quatrième point c'est la jama'a. Et il dit que tu dois rester avec la jama'a des musulmans et tu ne dois pas te séparer d'eux. Parce que quand tu restes avec la jama'a, tu restes protégé. Tu vas être fort. Hein? Tu vas avoir une force et tu vas être protégé. Mais si tu restes à l'écart, ça c'est dangereux pour toi. Pour ta religion. Même ici dans les pays non musulmans, les musulmans c'est bon qu'ils restent ensemble. Si quelqu'un il va rester tout seul tout le temps, il s'éloigne des musulmans, c'est mauvais pour lui. Et en plus ça l'affaiblit. Donc s'il devient faible, il risque plus facilement de tomber que s'il reste yani, avec les musulmans. Il y a des musulmans maintenant, surtout quand ils ont par exemple trouver un bon travail, une belle position, une bonne situation dans les pays non musulmans, ils vont habiter loin dans les quartiers plus riches, hein, loin de la communauté des musulmans. Et ils sont entourés que des koufars autour d'eux. Alors qu'est-ce qui arrive? Petit à petit, ils s'éloignent de l'islam et même des fois leurs enfants aussi. Et il y a une famille, je me rappelle, ils avaient acheté une maison dans un beau quartier, hein, en dehors de Montréal. Et ils sont venus me demander pour aller parler avec leurs enfants. Ils ont deux garçons, les deux ils prennent de la drogue et puis ils ont des problèmes. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez venir leur parler parce qu'on voudrait aller voir si vous pouvez les encourager à trouver un travail ou quelque chose comme ça. J'ai dit, le problème de votre fils là, c'est pas un problème de travail, il a un problème spirituel votre fils. C'est un problème d'iman qu'il a besoin de travailler là-dessus. Et quand j'ai commencé à lui parler à son fils, j'ai vu que hein, c'est ça ce qui lui manquait, parce qu'il est loin des musulmans, il a besoin de se rapprocher de l'islam. Mais eux, le seul problème, c'était le travail. Hein. Ils restent à la maison, ils ne travaillent pas. On veut qu'ils travaillent. Ils n'ont pas pensé à din. Hein. Donc, ça c'est dommage. Après, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le chef dit, il faut que tu restes avec les musulmans, il ne faut pas que tu t'éloignes à l'écart, parce que ça c'est dangereux pour ta religion. Donc, reste avec le corps des musulmans et avec les responsables des musulmans, ne t'écarte pas d'eux, ne reste pas à l'écart. Et il dit, celui qui sort de la jama'a et de l'obéissance du dirigeant dans un pays musulman, alors celui-là, c'est comme s'il a enlevé le collier qui le rattache à l'islam. Comme on l'a expliqué dans le hadith, au dernier cours, on a expliqué que l'islam c'est comme le poteau qui, comme un poteau qui rattache les petits moutons, hein, quand ils sont bébés, on leur met des colliers pour pas qu'ils courent loin, pour pas que les loups les attrapent. Donc cet islam, le fait qu'on est tous réunis ensemble et qu'on est tous entourés autour du dirigeant, c'est comme si on était tous protégés. Et si on s'écarte de la jama'a, hein, c'est comme si là, on a enlevé ce collier-là qui nous protégeait, et après c'est facile par la suite pour quelqu'un de s'égarer ou de se faire prendre. Donc il mentionne ce hadith-là, puis il mentionne l'autre hadith qui mentionne que celui qui se sépare un petit peu de la jama'a et qui meurt dans cet état-là, c'est comme s'il est mort dans l'état de la jahiliya. C'est-à-dire comme les gens vivaient avant l'islam. Les gens vivaient avant l'islam, tous, chaque tribu divisée par rapport à l'autre, et elles se combattent toutes les unes contre les autres, et il n'y a pas d'unité entre elles. Donc ça c'est l'état des gens de la jahiliya, et donc il y a des gens qui suivent cette voie-là. Il dit donc le chef que c'est obligatoire pour les musulmans donc de rester ensemble, de ne pas s'écarter les uns des autres. Et bien entendu, quand on reste ensemble, bien, allez, ça ne veut pas juste dire qu'on va rester ensemble comme certains, par exemple, qui veulent faire dans certains pays comme ici, par exemple, on va faire des quartiers où il y aura beaucoup de musulmans. Sauf que dans ces quartiers-là, ils vivent ensemble, mais seulement sur des liens culturels, traditionnels, pas sur des liens basés sur l'islam. Et par exemple, il n'y aura pas d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal, hein, il n'y aura pas de da'wa, il n'y aura pas de ces choses-là. Ils vont s'encourager par exemple à la musique, hein, ouvrir des bars, des restaurants, des trucs, des cafés, toutes des choses traditionnelles pour les gens qui viennent d'un tel pays, mais ce ne sera pas basé sur le dîn, ce ne sera pas basé sur l'islam, ça va être basé juste sur des choses culturelles ou traditionnelles. Ça fait en sorte que, en fait, ça divise la communauté, ça divise les musulmans sur des bases raciales ou des bases culturelles ou des bases ethniques, et en plus de ça, ça ramène tous les péchés dans la communauté au lieu de les faire sortir. Donc si on se réunit, on travaille ensemble sur les bases de l'islam et dans le but de s'encourager dans le bien, et comme Allah dit dans le Coran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, on collabore ensemble et on travaille dans la piété et le bien, et pas dans la transgression et dans le péché et dans la transgression. Et on doit être ensemble physiquement, mais aussi on doit être ensemble dans nos opinions, dans notre parole et dans nos actions. Et non pas juste d'être ensemble physiquement, mais on se contredit tous les uns les autres dans nos opinions, et un est contre l'opinion de l'autre, ainsi de suite. Et ça c'est pas permis, surtout quand on est dans un pays musulman, on est entouré avec notre dirigeant, et que chacun il pense qu'il a une opinion meilleure que l'autre, et chacun se met l'un contre l'autre, ça crée de la division par la suite. Hein, bien entendu, tant que c'est pas dans le haram. Si quelqu'un a une opinion dans quelque chose dans lequel il y a une possibilité de diverger, et qu'on peut amener une opinion qui est meilleure, bon, on peut discuter pour essayer de s'entendre. Mais si c'est des choses qui sont reliées à din, à la religion, dans ce cas-là, il faut se soumettre aux règles, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Et si, par exemple, le dirigeant, il a défendu une position ou une opinion quelconque, et que nous, on pense qu'on a une opinion meilleure, on peut donner de la nasiha, essayer de conseiller le dirigeant, mais s'il n'accepte pas notre opinion par la suite, il ne faut pas prendre l'orgueil et dire par la suite, ah, celui-là, il ne m'écoute pas, donc je ne veux plus l'écouter, ou je ne veux plus le suivre. Non, il ne faut pas faire en sorte que ça crée plus de division entre nous. Au contraire, il faut continuer à rester ensemble, puis encouragés dans cette opinion-là tant que ce n'est pas quelque chose de haram. Donc, le cheikh il dit ensuite, « Wa ashaddu min dhalika, idha hamila al-silah ala al-muslimin, fa innahu idha hamila al-silah, faqad naqada al-bay'ah, wa kharaja an jama'at al-muslimin. أي صار من الخوارج فيجب قتاله والأخذ على يده أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه ولكنه لم يحمل السلاح فهذا يكف عنه ولكنه يعتبر من الخوارج. Le cheikh il dit que il y a pire que ça encore. Il y a pire que le fait de ne pas être d'accord les uns les autres dans nos opinions. Il y a le fait par exemple que certains prennent les armes contre les musulmans. Hein, ils se rebellent contre les musulmans. Il dit ça, si quelqu'un prend les armes contre les musulmans, il a rompu son allégeance avec le dirigeant et il est sorti contre le corps des musulmans. Dans ce cas-là, il est devenu un des khawarij, ou il devient parmi les khawarij, la secte des khawarij. Et il est obligatoire dans ce cas-là pour le dirigeant de les combattre et de les stopper, de les faire arrêter cette rébellion. Et si quelqu'un, un individu par exemple, à l'opinion des Khawarij et il considère que c'est correct, toutefois il n'a pas pris les armes contre le dirigeant, alors dans ce cas-là, du moment qu'il n'a pas pris les armes et qu'il n'a rien fait d'action contre le dirigeant ou contre les musulmans, alors dans ce cas-là, on n'a pas rien à lui faire, on n'a pas à lui faire quoi que ce soit, toutefois il va quand même être considéré comme étant un des Khawarij. Et le cheikh il dit, فَإِنَّهُ مَنْ سَارَقَ الْجَمَاعَ قَيْدَ شِبْرٍ. Ça c'est le hadith. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أي إلا أن يتوب إلى الله. هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له أو زين له دعاة الضلال الخروج عن الجماعة. فالله جعل له فرصة أن يتوب ويرجع. ومن تاب تاب الله عليه. Donc le cheikh il mentionne donc le hadith que quiconque sort de la jama'a, même d'une petite distance, c'est comme s'il a enlevé le collier de l'islam qu'il a dans son cou jusqu'à ce qu'il revienne. Et Cheikh Al-Fawzan dit jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se soit repenti à Allah. Donc Allah lui a ouvert une porte pour celui qui s'est laissé aller ou qui ou que des gens l'ont invité et qu'il a été séduit par les gens qui appellent à l'égarement de sortir contre la jama'a. Donc Allah lui donne la possibilité de se repentir et de revenir à la vérité, et celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Donc on va s'arrêter ici inshallah aujourd'hui, puis demain on continuera la suite bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a des gens qui pensent que de parler de ça, ici par exemple, parce qu'on dit, oh, on n'est pas dans un pays musulman, faut qu'on parle de ça. C'est important de le savoir ici, parce que si on ne le sait pas ici, comment on va le savoir quand on va retourner dans un pays musulman? Ça, c'est des choses qu'on doit connaître par rapport à notre religion, parce que ça fait partie de notre islam. Qu'on soit ici ou ailleurs, on doit le connaître. Hein, c'est pas parce qu'on peut pas l'appliquer qu'on doit pas l'apprendre. Donc quand on va retourner dans les pays musulmans, après on pourra l'appliquer, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Barakallahu fikum.